Le peintre espagnol Pablo Picasso est un des artistes les plus importants du XXe siècle. Point. Il a apporté beaucoup à l'art moderne. Point. Son père était professeur de peinture. Point. Picasso peint depuis tout petit et sur tous les supports. Point. Il a passé une grande partie de sa vie à Paris et en Provence. Point.